ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la championne canadienne de ski alpin, Nancy Green. I was really overwhelmed, especially at the one in Toronto, because, you know, I've seen ticker tape parades on movies and on television, but I guess I never really thought I'd be in one. Quand elle rentre au Canada le 28 février 1968, c'est un accueil triomphal qu'on réserve à Nancy Green. Elle vient de remporter deux médailles aux Jeux olympiques de Grenoble, une médaille d'or et une médaille d'argent. Et comme elle le dit dans l'extrait qu'on vient d'entendre, elle est très émue de cet accueil qu'on lui fait à son arrivée à Toronto. Si Nancy Green a déjà vu des défilés de la victoire à la télé, jamais elle n'aurait pensé se retrouver elle-même au centre de l'un de ces défilés. Il faut dire qu'en 68, Nancy Green est au sommet de sa gloire, double médaillée olympique et championne du monde en ski alpin pour une deuxième année consécutive. Nancy Green, à ce moment-là, est véritablement la reine du ski alpin féminin. Pour vous, ça a très bien marché au slalom hier? Oui. Vous avez gagné? Mais aujourd'hui, j'ai tombé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Le... What's the middle? Halfway down the course. Oui, à la moitié de, du parcours. Oui, the neige is very oui. soft, oui. you know, and I hit it and then I went out. Oui, malgré tout, vous avez fait un assez bon temps quand même, 2 minutes et 2 secondes, point quelque chose. Oh, non. C'est pas ça? Non. I lost a lot of time. Est-ce que vous êtes nerveuse quand vous participez à des compétitions au Canada comme ça? Non. Vous n'êtes pas nerveuse? Non, pas. Vous savez que tous les regards sont braqués sur vous? Non, pas nerveuse, mais excited, you know? Oui. Mais à chaque fois, vous vous dites, bon, ben, je suis au Canada, je suis dans mon pays, il faut absolument que je gagne, quoi. Ça ne vous donne pas le trac un peu? Non, j'aime beaucoup to race. What's race? Courir. Courir au Canada. La skieuse Nancy Green qui répond aux questions de Bernard de Rome en février 1967 pour nous présenter le parcours exceptionnel de Nancy Green. Je reçois ma collègue, journaliste au sport à la télé de Radio-Canada, la radio aussi, Marie-Josée Turcotte. Marie-Josée Turcotte, bonjour. Bonjour, Jean. Pourquoi elle est aussi importante? Quelle place elle occupe, cette femme-là, dans le panthéon du sport au Canada? Sa place est encore immensément importante aujourd'hui parce que, écoutez, en 2000, elle a été élue l'athlète féminine du 20e siècle. Chez les messieurs, c'était Wayne Gretzky. Pourquoi on lui a donné ce titre? Il faut vraiment remettre ses performances dans le contexte. Sa médaille d'or aux Jeux olympiques en 1968, les Jeux olympiques existent depuis 1924. Si on enlève les sports d'équipe comme le hockey, parce que les messieurs à cette époque-là gagnaient tout le temps, si on enlève ça, c'est seulement la 5e médaille d'or de l'histoire canadienne. Donc, c'était gros, c'était ouais. immense. Le ski canadien, à ce moment-là... C'est ça. Même aujourd'hui, c'est encore difficile. C'est vraiment un sport européen. À son époque, c'était les Françaises, les Autrichiennes ouais. qui dominaient. Encore aujourd'hui, ce sont des Européennes. Écoutez, dans l'histoire olympique, le Canada a remporté 11 médailles en ski alpin. Elle en a remporté 2 de ces 11 médailles-là. Donc, elle a vraiment eu un impact et c'était sa bouille sympathique ouais. aussi. On la voyait et on voulait la côtoyer, on voulait la connaître. Son style aussi, puis on y reviendra, mais on l'appelait la tigresse. Oui. C'était quelque chose à voir sur deux skis, Nancy Green. Comment elle en vient à faire du ski? On l'écoute, Nancy Green, à l'émission Appelez-moi Lise en décembre 1974. Nancy, vous avez commencé à skier à quel âge? Ouais, à 3 ans. Vous étiez où à ce moment-là? À Rossland, en Colombie-Britannique. Et c'est là que vous avez appris. Oui, oui. C'est une petite ville dans la montagne. Nous avons eu une très bonne piste pour le ski. Et mes parents font du ski beaucoup et mes soeurs et frères aussi. Est-ce que vous avez su tout de suite que vous étiez douée pour faire de la compétition? Non. La compétition, c'est pas beaucoup dans ce temps. On n'en entendait pas parler beaucoup de toute façon, c'est ça? Oui. Maintenant, c'est beaucoup plus organisé. Et les jeunes commencent à 8 ans, 10 ans à faire les compétitions. Mais pour moi, j'ai commencé la compétition à 13 ans seulement. Oui. Déjà, c'est quand même assez jeune, 13 ans, non? Je pense, oui. Mais aujourd'hui, c'est difficile parce que quand vous commencez à 13 ans ou 15 ans, il y a beaucoup des autres gens qui ont commencé plus jeunes et ils sont... qui vous dépasse à ce moment-là. Oui. Ça arrive très vite, donc, Marie-Josée Turcotte, le ski dans la vie de Nancy Green. Oui, écoutez, j'écoutais ça et elle raconte dans son autobiographie que ses parents, c'est tellement des bons skieurs que pour leur voyage de noces, ils sont partis faire du ski. Alors, incroyable. Ça vous donne un peu l'idée. Sa sœur va faire du ski. Sa sœur, Liz, elle est très, très bonne. Et au départ, c'est probablement une raison pour laquelle Nancy n'a pas envie de faire du ski, parce que sa sœur est 2 ans plus vieille et elle est très bonne. Ouais. C'est une des meilleures au Canada. Mais le hasard. Il n'y a pas d'hasard dans la vie. Hein. Le championnat canadien de ski alpin se tient à Rosslyn, dans son village, en 1958. Elle a 14 ans. Et là, elle s'est portée bénévole pour donner un petit coup de main et tout. Puis là, plus elle regarde ça, plus elle est intriguée et plus elle se dit « ça a l'air vraiment fascinant, ça, de faire de la compétition et tout. » Et la veille de la première course, l'entraîneur de la Colombie-Britannique l'appelle. Il dit « Écoute, on a 2 jeunes filles qui se sont blessées. On a besoin d'une substitut. S'il te plaît, viens. » Et là, écoute, c'est complètement fou. Elle termine 3e du slalom, remportée par sa sœur Liz. 2e de la descente, gagnée par sa sœur. Donc, un bon début. Elle a la piqûre et là, elle se dit « Je veux faire de la compétition. » Et c'est parti. Et là, ça va s'enchaîner vraiment à une vitesse folle parce qu'on le rappelle, bon, c'est l'époque, mais au fond, sa retraite, c'est 10 ans plus tard. 58, donc, première compétition. 60, les premiers Jeux. Ses premiers Jeux olympiques à Squaw Valley. Comment ça se passe à ce moment-là pour elle? Elle a 16 ans. Elle est toute jeune. Elle a dû se battre pour avoir sa place sur l'équipe jusqu'à la dernière minute, à la veille des Jeux, ou presque, elle a su que finalement, c'était elle. Et c'était différent à l'époque. Et elle raconte qu'ils arrivent à Squaw Valley, puis elle pense que c'est Noël. Ils ont tous leur sac avec du linge canadien, tout neuf, des beaux skis. Tout est fabuleux. Et elle dit, on vit dans un endroit extraordinaire. Et surtout, ce qui a marqué, évidemment, la 16 ans, elle n'a rien gagné, elle va là pour prendre l'expérience, mais elle est co-chambreuse avec Anne Eggveit. Oui. Anne Eggveit a remporté à ses Jeux de Squaw Valley en 1960 la médaille d'or du slalom. Et là, elle raconte dans son autobiographie comment ça a été un moment de grâce, presque pour elle, parce que elle dit, quand j'ai vu Anne Eggveit sur le podium, entendre le Haut Canada et de l'avoir vue, comment elle travaillait et tout, elle dit, c'est là que je me suis dit, moi, un jour, c'est moi qui vais être là et qui va gagner cette médaille d'or pour le Canada. Et on sait que l'histoire lui donnera finalement raison. Donc ça, c'est l'étincelle dès ce moment à Squaw Valley. En 64, en revanche, aux Jeux d'Innsbruck, elle va devoir, faire preuve de modestie. C'est, sur le plan des résultats, c'est pas mal catastrophique, Marie-Josée. Pour elle, oui. Mais écoutez, 7e en descente, 15e en géant, 16e au slalom. Pour elle, c'est la fin du monde parce que dans sa tête, elle était convaincue qu'elle gagnait tout puis que c'était la fin de sa carrière. Et avec le recul, elle dit, vraiment, j'étais naïve. Elle dit, j'avais pas l'expérience, j'avais pas la technique pour m'imposer à cette époque-là. Elle m'a dit, je croyais que c'était possible. Ouais. Mais et ce qui est assez ironique, c'est que la plupart des gens pensaient qu'elle prendrait sa retraite après ses Jeux de 1964. Et elle, tout de suite, a dit, non, je ne l'ai pas gagnée encore, ma médaille d'or. Je continue. Tenace, elle la veut, depuis Squaw Valley en 1960. Effectivement, elle va commencer à partir de... après les Jeux d'Innsbruck, là, autour de 1966, vraiment, elle commence... Le nom de Nancy Green commence à se faire remarquer. La presse française d'aujourd'hui, dans ses pages sportives, félicite chaleureusement la jeune Canadienne Nancy Green, qui, en remportant en Autriche à Bad Gastein le slalom spécial, s'est montrée plus rapide que la Française Marielle Guatchel, en particulier dans la seconde manche technique qui comportait un grand nombre de virages. Les spécialistes estiment que Marielle a trop fait travailler l'écart de ses skis et que son élan fut contrarié. Ce fléchissement a permis à Nancy Green de faire son trou et il a suffi en effet de 1 seconde et 5 centièmes pour qu'elle soit à l'honneur aujourd'hui. La presse note encore que la petite Canadienne ne serait certainement pas passée inaperçue, ne serait-ce qu'avec son visage criblé de taches de rousseur, son petit nez retroussé et son rire juvénile. On l'avait vu pour la première fois en 62 au championnat du monde de Chamonix. On la revit à Oberstaufen et à Grindelwald, où elle fut seconde au slalom à 15 centièmes seulement de Marielle Guatchel. Et l'an dernier, elle battait les 2 sœurs Guatchel au championnat des États-Unis. Ici Charles Tenerson qui vous a parlé de Paris. Wow! C'est pas mal, hein? Ça, c'est toute une époque qu'on entend une manière de décrire la compétition et les athlètes. Ça date de 66, de janvier 66, ce reportage, Marie-Josée Turcotte. À ce moment-là, sans faire de mauvais jeu de mots, elle est vraiment en pleine ascension. Absolument. Il en parle justement dans son reportage, ce monsieur français. Pour elle, le moment qui a été un moment charnière, c'était en 1965, quand il dit qu'elle a battu donc Marianne Guatchel, en fait les deux Françaises. Et elle avait remporté donc la descente et le slalom des championnats américains, mais toutes les championnes olympiques de 64 étaient présentes. Donc pour elle de se dire, je les ai toutes battues, donc je peux faire partie des meilleures. Et c'est pour ça qu'en 66, son objectif, c'était le championnat du monde qui se tenait à Portillo, au Chili. Et dans sa tête, c'est sûr qu'elle gagnerait tout ce qu'il y avait à gagner. Ça ne s'est pas passé comme ça. C'était des conditions difficiles. Il y avait neigé beaucoup, beaucoup avant la compétition. Et elle a eu un moment d'inattention. Ils avaient fait des espèces de petits ponts pour passer par-dessus des obstacles. Et elle s'est complètement enfargée. Aujourd'hui, on dirait qu'elle a fait une commotion cérébrale parce qu'elle raconte qu'elle est toute étourdie. Elle essaie de ne pas tomber dans les pommes et tout. Et pour elle, ça avait été un grand moment de découragement. Et c'est ça, c'était une athlète. Vous l'avez dit tout à l'heure, tigresse, oui. Qui voulait tellement. Agressive. Elle se voyait première, elle se voyait gagner et elle prenait beaucoup de risques. Oui. Et parfois, donc, ça finissait mal. Elle se blesse aussi. À ce moment-là, elle se blesse beaucoup. Elle s'est blessée à plusieurs reprises, oui. Effectivement. Mais il y a un déclic, c'est intéressant, parce que ça, c'est vraiment la première période. Nancy Green, là, la fougue, cette détermination qu'elle ne perdra pas, la détermination de gagner. Non, ça, jamais. Mais il y a un déclic qui va la faire gagner, qui va se produire en 67. Qu'est-ce qui se passe? On est en 1967. C'est la toute première année de la Coupe du monde qu'on connaît encore aujourd'hui. La dernière épreuve est aux États-Unis. C'est dans un endroit qui s'appelle Jackson Hole, au Wyoming. Pour faire ça simple, elle doit gagner. Si elle gagne, elle est championne de la toute première édition de la Coupe du monde. Il y a deux compétitrices qui peuvent la battre, c'est Marielle Guatchel et une autre Française, Annie Famoz. Et là, après la première manche, elle est deuxième. Donc, tout se passe bien. Elle s'en va à portion de départ pour la deuxième manche. Et là, la fille qui est devant elle tombe. Donc, la compétition est ralentie. On arrête tout, le temps, évidemment, d'enlever cette jeune femme, s'assurer qu'elle est correcte et que le parcours est correct. Et là, l'annonceur maison n'arrête pas de dire « Mon Dieu, que ça doit être stressant! Nancy Green doit absolument gagner! Si elle ne gagne pas, elle n'a pas le titre de la Coupe du monde! » Puis là, il y a plein de gens autour qui disent « Non, mais il ne va pas se taire un peu, il est en train de la stresser! » Elle entend tout ça, évidemment. Elle entend tout. Et là, il dit, à la quatrième fois où je l'ai entendu dire, Nancy Green doit absolument gagner. Elle dit, il y a eu comme un déclic dans ma tête et je me suis dit, je n'ai pas besoin de rien gagner, moi. Voyons donc, ce n'est pas la fin du monde si je ne gagne pas. Et là, elle dit qu'à partir de... Elle raconte qu'au moment où on lui a donné le départ, dans sa tête, elle a dit, je vais gagner, c'est sûr que je vais gagner. Et là, elle disait, ça a l'air prétentieux de dire ça, mais elle dit, j'étais tellement relax, j'étais libérée tellement de la pression. Libérée. Je descends. Je descends et je m'amuse. Ouais. Et elle a gagné, effectivement. Et elle dit que toutes ses victoires en 68, parce qu'elle a accumulé les victoires plus celles des Jeux olympiques en Coupe du monde, elle dit, je les dois vraiment à ce moment où j'ai décliqué en me disant, retrouve l'équilibre. Ouais. Le ski n'est pas toute ta vie. Ce n'est pas que ça qui te définit. Ça fait partie de ta vie. Et de fait, ça va marcher. 68, vous le disiez, c'est une grande, grande année. Deuxième consécutif, le deuxième championnat du monde consécutif pour elle. Celui de 67, le premier, celui de 68. Et puis, ces deux médailles olympiques aux Jeux de Grenoble. La première de ces médailles, c'est une médaille d'argent qu'elle remporte au slalom, donc le 13 février 1968. Regardez-la attaquer. Et regardez-la surtout reprendre le contrôle sur ses skis. Voilà, là, il y a le ski droit qui a levé un peu. Elle tourne un petit peu sauter. Nancy Green, qui n'est pas tellement loin de la ligne d'arrivée. Son temps juste ici, et vous avez vu la descente de Marielle Guatchel, presque parfaite. Nancy Green, 44-70, était le meilleur temps dans la deuxième manche. Un total de 86 secondes, 15 centièmes. Et elle se mérite la médaille d'argent. C'est aussi la première. Richard Garneau qui décrit cette descente qui va valoir donc une première médaille aux Jeux olympiques de Grenoble à Nancy Green, médaille d'argent le 13 février 68. Et puis deux jours plus tard, ce sera la médaille d'or au slalom géant. Comment décrire cette Nancy Green de Grenoble, Marie-Josée Turcotte? Bien, d'abord, cette médaille d'argent, elle est immensément importante parce que c'est là que toutes les choses changent pour elle dans sa tête. Et je vous rappelle un tout petit peu ce qui s'était passé. 68, au début de l'année, c'est une année difficile parce que, d'abord, il n'y a pas de neige au Canada. Il n'y en a pas non plus en Europe, donc c'est très difficile pour les entraînements de la neige artificielle. Dans ce temps-là, on oublie ça. Et comme il n'y avait pas beaucoup d'argent pour faire du sport, on demandait aux vedettes du ski alpin de faire beaucoup de salons du ski, dont des salons ici à Montréal. Et là, ça leur demandait beaucoup de temps, faire du ski sur des espèces de trucs artificiels. Ça pouvait même être dangereux et tout ça. Ils signaient des autographes et tout. Ça demandait énormément de temps, donc on ne s'entraînerait pas pendant ce temps-là. Et elle disait que ça avait été un moment difficile. Quand ils arrivent en Europe, pas de neige au départ, et là, ils arrivent un mois avant les Jeux, en Autriche, à Bad Gastein, il y a une Coupe du monde, donc tout le monde se prépare, là, il y a de la neige, tout le monde est excité, et elle, elle est tellement excitée, là, elle skie, et puis elle se peut plus, tellement qu'elle sort de piste et elle se blesse. Ouais. Au départ, elle est convaincue qu'elle a fracturé sa cheville. Heureusement pour elle, ce sont des ligaments étirés, mais là, évidemment, il faut quand même soigner ça. On est à un mois des Jeux olympiques. Et quand elle arrive aux Jeux, bon, les conditions sont très belles et tout ça, et la première course, c'est la descente. Et dans sa tête, elle veut, c'est ça qu'elle veut gagner, parce qu'elle est reconnue surtout pour le slalom et le géant. Elle dit, je suis bonne en vitesse, je veux gagner cette course-là. Et elle termine 10e. Et là, elle dit que c'est la pire déception de sa carrière, parce qu'elle voulait cette médaille-là. Et là, elle est dans une espèce d'état où elle se fout de tout. Et là, elle dit, je suis sortie, après avoir pleuré toutes les larmes de mon corps, là, le lendemain, je suis sortie, elle dit, je skiais n'importe comment, je me foutais si je me blessais. Ça ne fonctionnait pas dans sa tête. Et là, donc, quelques jours plus tard, je pense qu'il y avait 5 jours entre les deux courses, elle se présente au slalom, et là, après la première manche, en skiant de façon peut-être un peu contractée, parce qu'elle n'est pas toute là, elle termine 5e. Là, elle se dit, ben, coudonc, j'ai comme une chance, moi, là. Si je skie bien dans la deuxième manche, je pourrais peut-être passer. Et là, elle arrive en haut et elle se dit, regarde, je vais faire du mieux que je peux. Et là, donc, l'histoire nous le raconte maintenant, elle arrive 2e, elle gagne cette médaille d'argent. Et à partir du moment où elle a gagné cette médaille d'argent, c'est comme si toute sa motivation est revenue. Elle s'est rappelée qu'elle était une bonne skieuse et elle a dit, ça y est, la médaille d'or, je la gagne, j'ai une dernière chance dans le géant et en fait, c'est ce qu'il faut que je fasse. C'est dans cette descente qui lui donne l'argent qu'elle gagne en quelque dans sorte l'or. Dans sa tête, oui, absolument. C'est comme ça que ça s'est passé pour elle et ça a bien fonctionné. Ouais. 2 jours plus tard, donc, médaille d'or. Et puis, elle revient au Canada. On revient à cet extrait qu'on entendait au début. Un accueil vraiment triomphal à ce moment-là. Elle est vraiment surprise. Juste à l'aéroport, quand ils arrivent, ils sont accueillis par une tonne de journalistes. C'est comme si tout à coup, ici, on réalisait l'ampleur de ce qui s'était passé en Europe, non pas seulement aux Jeux, mais là, depuis quelques années, parce qu'il y avait eu quand même des victoires, des médailles. Et là, on réalise tout à coup l'ampleur de ce qu'elle a fait. C'est aussi très important, je pense, pour la suite dans le sport et pour la présence des femmes dans le sport aussi, parce que on est en 1968. Hein? Il y a des révolutions partout sur la planète. Nous, on vient de sortir, c'était pas une révolution, mais bon, il y a eu la révolution tranquille, mais on sortait d'Expo 67 qui nous avait ouvert sur le monde. Mm-hmm. Et tout à coup, on voit cette jeune femme-là, pleine d'entrain, qui nous représente sur la scène internationale et qui est capable d'aller battre les Européens, qui est capable d'aller battre les meilleurs au monde. C'est comme si tout à coup... Qui est la meilleure au monde, oui, à ce moment-là. Oui, absolument. Il y a comme une prise de conscience. J'ai quasiment envie de faire un espèce de parallèle complètement boiteux, mais Maurice Richard, qui a été l'idole d'un peuple, c'est le titre d'un livre, mais c'est ça qu'il a été. Il a permis aux gens de se dire, hey, nous, on est capable d'être bons. Il y a un peu de ça aussi dans Nancy Green. Nous sommes capables de tenir tête aux gens sur la scène internationale à force donc de volonté, de talent et de travail. Et pourtant, elle décide de partir, de quitter le sport amateur, le ski alpin. 24 ans seulement, pourquoi? Si jeune. J'ai envie de vous dire, c'est presque vieux à l'époque. Ah oui? Parce que comme il n'y avait pas d'argent dans le sport, on quittait jeune, souvent. Ouais. C'est pour ça que je crois que les gens, après les Jeux de 64, pensaient qu'elle quitterait, parce qu'elle avait 20 ans déjà. Et puis bon, ben à cette époque-là, les femmes fondaient une famille. Oui, on oublie ça. Et non, donc elle est restée. Et c'était peut-être un peu même qu'elle reste encore 4 ans. C'était peut-être un peu contre les méthodes de l'époque ou la philosophie de l'époque. Ouais. Donc pour elle, ben, il fallait travailler, il fallait fonder une famille, il fallait aller faire autre chose. Et elle a tellement bien négocié son après-carrière, parce que c'est immense qu'elle a réussi. Après sa carrière, il y a plein de gens qui l'approchent. On veut avoir son nom pour faire ceci, pour faire cela. Elle est même approchée par une agence, la plus grande agence qui existe encore, IMG, qui est une agence qui représente des artistes et des sportifs. D'ailleurs, Jean-Claude Killy était avec eux, le grand champion de ski alpin des Jeux de Grenoble en 68, 3 médailles d'or, lui. Mm-hmm. Et elle a refusé. Elle voulait vraiment être ici au Canada, voulait représenter des produits canadiens. Et ce qui est fabuleux de ce qu'elle a fait avec ça, parce qu'elle en avait des commandites, je vous en donne seulement quelques-uns, la Bar Mars, General Motors, ouais. Banque de Montréal, les skis Rossignol, et il y en avait vraiment énormément. Et elle a toujours eu à cœur de redonner. Pour elle, c'était important que le ski soit bien soutenu. Elle avait convaincu à l'époque la compagnie Mars de redonner. C'est-à-dire que pour chaque personne qui renvoyait à la compagnie Mars un emballage, on redonnait à l'époque un sou à l'équipe nationale. Ouais. Ça a été jusqu'à 7-8 sous. Et donc, on redonnait des sous. Elle a convaincu à General Motors de s'impliquer dans le ski alpin. Ils avaient mis sur pied la Coupe Pontiac pour les jeunes juniors. Puis je cherchais dans les résultats et j'ai eu des résultats jusqu'en 2009. Donc, ça a duré quand même très longtemps. Ouais. Donc, pour elle, c'était très important, ça, de pouvoir redonner et de s'assurer qu'il y ait une relève et que les jeunes puissent faire du ski. Elle va rester... C'est une femme de ski toute sa vie. Elle aura un hôtel à Whistler. Oui. Elle va devenir sénatrice. Elle est sénatrice actuellement. Mais vraiment, tout le temps, ça va faire partie de sa vie et de l'héritage qu'elle nous laisse. Ça tourne autour du ski, autour, de, vous le disiez, de ce modèle très fort en sport d'une femme. C'est ça son principal héritage? Je pense que oui. Et dès 68, elle donne son nom pour ce qui s'appelle encore aujourd'hui le Nancy League Ski League. Pour les tout jeunes, dans chacune des régions, on décide comment on fait ça, mais c'est pour les jeunes, pour qu'il y ait une compétition locale, qu'ils aient du plaisir. C'est pas grave s'ils ne deviennent jamais des grands skieurs, mais on leur donne une structure dès le jeune âge pour s'amuser et apprendre à skier. Et dans son rôle de sénatrice, je parlais avec Chantal Petitclerc, qui elle aussi est sénatrice, et je lui disais, mais qu'est-ce que tu peux me dire sur Nancy Green comme sénatrice? Et elle disait, je suis assez envieuse de l'héritage qu'elle va laisser parce qu'elle dit, je trouve qu'elle se sert bien de qui elle a été pour amener des lois. Mm-hmm. Donc, elle travaille très fort en ce moment sur un projet de loi qui s'appelle le S-228, c'est toujours très poétique ces noms-là, qui veut donc bannir toute publicité pour les breuvages sucrés et l'alimentation, la mauvaise alimentation pour les jeunes, qu'il n'y ait pas de marketing ni de publicité pour tous ces jeunes-là. Et ça va fort probablement passer comme loi. Elle est aussi derrière une loi qui s'appelle la Journée de la santé et de l'activité physique, qui est à tous les premiers samedis du mois de juin. Oui. Chaque province a le droit de le faire ou pas. Et elle tient ça tellement à cœur que même avec les parlementaires, elle tient le Fitness on the Hill, donc une journée de conditionnement physique, Ski on the Hill. Et elle encourage tous les parlementaires donc à venir bouger et à transmettre ses bonnes valeurs. Ça, c'est une formidable idée de reportage pour vous. Oui. Marie-Josée Turcotte, la suivre, ça serait drôle. Absolument. Avec ses sénateurs, une journée de sport avec les sénateurs. Marie-Josée Turcotte, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Marie-Josée Turcotte, journaliste sportive à Radio-Canada. Merci également à Mathieu Beauchamp, la réalisation de cette émission. À la recherche, Caroline Morin et André Martineau. Recherche d'archives, Mario Bolduc. Au site Internet, Mathieu Arsenault. À la technique aujourd'hui, Pierre Plante. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante, histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis... À la prochaine.